cours numéro 15. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. As-salatu was-salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Intahayna fi darsina al-akhir min ash-shubhat al-awla. Fama hi? Intabihu la shubha, pas le jawab. أولاً الشبهة ثم ننظر هل فهمتم الجواب تفضل أن بعض الناس أو أن بعض المشرك يقولون أن لا نشرك بالله شيئا بل نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونعتقد أن لا يضر ولا ينفع إلا الله سبحانه وتعالى وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء ومع هذا جعل بينهم وبين الله وسائط ويدعوهم وليقربوا إلى الله ويطلب عندهم الشفاعة أحسن وهذه في الحقيقة هي أهم هذه الشبهات c'est pour ça que المؤلف رحمه الله الأوتور Il a cité sept shubha au départ. C'est la base de leur shubha, de toutes leurs shubha. Et tout ce qui viendra après, ça sera lié de près ou de loin, directement ou indirectement, à cette shubha. Ils ont prétendu haoula, al-mushrikoun, annahum ya'taqidoun, anna Allah azza wa jal. C'est lui le Khaliq, Subhanah, c'est lui le Raziq, c'est lui qui guide, c'est lui qui égare qui veut, il a akhiri, fa yu'minuna bihada, kadhalik yu'minuna, anna nabiyyana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rasoul min indillah, wa la yamlik li nafsihi shay'an, ila akhiri, wa ma'a hada, yas'aloun, aw yad'oun, al-awliya, limada, عندما نعم أولا لأن الأولياء عندهم جاه عند الله أي أن السولي أي السسان كي مور فإلى أن جاء عند الله لأن منزلة عظيمة ثانيا c'est le deuxième point il est très très important تفضل يسألونهم يتعلق لأنهم يعتقدون أنهم مذنبون أحسنت لأن يقولون هذا قول المشرك كيس كي دي سو مشرك أي لا كوز كي لو بوس à demander à ce à cet homme pieux qui a un rang élevé عند الله لأنه هو il est مذنب il fait des péchés فيقول أنه vu que lui il a beaucoup de péchés et cet homme pieux qui est mort il a un jah azim عند الله فهم يقولون on va les prendre comme intermédiaires on leur demande pour que هم demandent à Allah سبحانه وتعالى ليقربونا إلى الله زلفا leur but c'est de se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى لكن ils ont pris cet intermédiaire عيادا بالله هذه هي خلاصة هذه الشبهة الجواب عندما تفضل ثم هنا في آية التالية أن هذه الشرك أن فعلهم هذا الشرك ما الدليل قالوا تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وفي نهاية إن الله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala قال أن هؤلاء ceux qui ont pris comme intermédiaire des créatures pour qu'ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala حكم عليهم بالكفر. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. C'est un mensonge. Et c'est du kufr, ayyadun billah. Le fait de prétendre que prendre des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah, c'est mashrou', c'est légiféré. C'est un mensonge et c'est du kufr. Dans l'autre verset, c'est du shirk. Ma dalil. Attends. T'es obligé de citer le début. On fait le lien. C'est quoi ce shirk? Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. ما لا يضرهم ولا ينفعهم. سبحانه وتعالى عما يشركون. leur حجة ou leur prétention أن le fait de prendre un allié ça va les rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu dans ce verset, qalu ya'buduna min dunillah. Awalan, ça nous montre que c'est une ibadah ce qu'ils font. Comme ça y est, incha'Allah, dans d'autres choubas, les annahum, ils vont dire, nahnu, on ne les adore pas. Ce n'est pas une adoration. Nahnu, on leur demande, faqat pour qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, qalu ya'buduna min dunillah. Awalan, c'est une adoration. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Ma la yanahu, c'est un makhlouq. Et le makhlouq, il ne peut pas être utile ou nuire à quelqu'un. Illa an yasha Allah. Qala wa yaqulun ha'ulai shufa'una 'inda Allah. C'est ça la shubha. C'est ça qu'ils disent. Wa yaqulun ay al-mushrikun. Qu'est-ce qu'ils disent? Ha'ulai shufa'una 'inda Allah. Shufa'a ay c'est nos intermédiaires. On va leur demander al-shafa'a ay qu'ils intercèdent en notre faveur. 'Inda Allah. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala 'azza wa jalla. سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه الله نزه نفسه إلى au-dessus de هذا عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون فالله سبحانه وتعالى سمى هذا الفعل شركا c'est le shirk. D'autres réponses تفضل كذلك نسألهم إن كنتم مذنوبا لماذا إن كنتم ماذا إن كانت عندكم ذنوب أو مذنبون جدي تفضل إن كنتم مذنبون نعم لماذا لا تستغفرون الله أحسنت Si vous avez commis des péchés comme vous prétendez et tout le monde commet des péchés إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى فلماذا vous demandez pas pardon لماذا لا تستغفرون الله سبحانه وتعالى؟ Pourquoi vous dites pas استغفر الله؟ Pourquoi vous faites pas التوبه؟ من؟ Qui c'est qui a légiféré à هؤلاء de prendre comme intermédiaire فلان parmi les morts pour demander pardon à الله سبحانه وتعالى؟ من؟ إلا الشيطان ils se sont égarés عياذا بالله comme les premières générations. زد. استفدنا أيضا أن المشركين نعم استفدنا أيضا أن لا يوجد العلاقة بين عمل الصالحين وعمل هذا المشروع أحسنت أن هذا المذنب cet homme qui a des péchés ou cette femme et qui prétend أنهم ils vont demander à cet homme pieux qui est mort لأنه il a un jeu عند الله il a un haut rang مثلا c'est un homme pieux مثلا c'est un compagnon مثلا c'est un savant مثلا c'est un nabi et ils vont lui demander لماذا لأن الله il l'aime et il aime ce mort cet homme pieux حتى هم ils en profitent et cet homme mort il demande الشفاعه pour eux الجواب كما قال الأخ أن جاء هؤلاء أي هذا الجاء أي cette منزلة qu'ils ont atteint ce rang qu'ils ont atteint بإذن الله عز وجل et en faisant des efforts Fidunya, quand ils étaient vivants, ils ont fait des efforts. Hatta ils ont atteint ce niveau. Min ilmin wa amalin ila akhirah. Hada, c'est pour eux. C'est pas pour les vivants. Enfin, chacun, il sera jugé par rapport à ses œuvres. Et amal. Al-amal al-salih la yinfa'al ghayr. C'est ça la base. Amma ha'oula, ils prétendent anna hada al-jah, ça va leur être utile. Fait, ils vont demander à ce mort. Et ça, c'est batil kama. كما تقدم كل نفس بما كسبت رهينة نعم فدي ريبونس بينيفيك دو شيخ البوزان حفظه الله تعالى وكذلك شيخ الاسلام lui-même il a répondu on répète son جواب il est مختصر قال رحمه الله المؤلف ف جاوبه أي تلو غيبون بما تقدم كذلك نولي نغيبونس هنا une réponse importante أي قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أن الله هو الخالق إلى آخره أنه لا يخلق ولا يرزق إلى آخره إلا الله on a une réponse مفيدة هنا تفضل نعم أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين الأولين فكذلك يغكونس أن الله عز وجل سلو كخاتر إسك ساليزا فرنطري في الإسلام لا لأنهم أشركوا في العبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم سسولا كي لغا ربخشي سسولا كي لغا منطري سبورسا كي لزا كمباتوا إسو كي نمبا أكسبتي Et à notre époque, c'est la même chose. Est-ce qu'on reproche à Ubad al-Qubur, min Soufiya, wa Rawafid, wa Wasa'il al-Mushrikin, est-ce qu'on leur reproche à Naoum, la yu'minuna billah, anna Allah, c'est Rabb, afetan. Lakin, hadha l'iman, bil Rabb, bi anna Allah, huwa Rabb. Ça doit impliquer ifradullah subhanahu wa ta'ala fil ibad. Si tu reconnais et tu crois en Allah Azza wa Jal, c'est le créateur, tu dois obligatoirement l'adorer seul. Ou illa, il n'y a aucune différence entre هذا l'iman et l'iman al-mushrikin. Ou la in sa'altahum man khalaqa al-samawati wal-ard la yakulun Allah. Ou هذا taqaddam ma'ana kathiran. Fali هذا qala Sheikh al-Islam, on répète sa réponse, an alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirruna bima dhakar. ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة نعم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لمم غيبونس ووقر عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه فست خمير شبهة ست غيبونس سي اون باز سي اللي كومبخيز اللي ميتخيزي خاصة en ayant appris les versets من سورة الزمر ومن سورة يونس بإذن الله عز وجل سكي بيندغى أبخي سأصغى تخي تخي سامبل قال رحمه الله on revient au متن et on lit la deuxième شبهة ثم on lit الشرح إن شاء الله قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإن قال هذه الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم تجعلون الأنبياء أصناما هذه هي الشبهة الثانية. Ça suit la première. أي يقولون أن السيرسي que vous citez. أي قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. Ils disent هذا c'est في الأصنام. Ce verset il a été révélé pour montrer la situation de ceux qui adorent des statues. ثم Après avoir cité cela, il dit comment vous dites à ceux qui demandent à des hommes pieux, qui ont un Dieu indallah, vous les mettez au même rang que des statues en pierre, des statues en bois. C'est une de leurs plus grosses ambiguïtés. Non, ils pensent que vu que, مثلاً, un Nabi, il a un rang élevé indallah, voilà chaque. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime l'anbiya. C'est les awliya les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu mets au même niveau ce prophète avec une statue en bois ou en pierre? Pour eux, ils différencient. Pour eux, ce n'est pas la même chose. Qala, an taj'alouna l'anbiya asnaman. Fali hada, tu trouves ha'oula, khurafiyoun, al-qouriyoun. Ils accusent l'Ahl al-Sunnah qu'ils détestent l'Awliya. C'est pour ça qu'ils accusent l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab qu'il yat'an fi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou fi Ahl al-Bayt. لماذا لأن المؤلف رحمه الله il a mis en garde contre هذا الفعل. لكن est-ce que ça veut dire qu'il met en garde contre celui qui est adoré? عيادم بالله أبدا. فمثلا نحن on met en garde contre النصارى et on montre qu'ils sont à la batil et qu'ils font du shirk. Et leur adoration, les bâtés là. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça va impliquer une critique envers Isa ibn Maryam, alayhi salatu wa salam? Abadan. Isa ibn Maryam, il est bari, min haoula. Hakadal anbiya, wa salihoun haqqan, Voilà contre le fait de Haoula, ceux qui les adorent, min dounillah. La réponse, donc la Shubha, elle est bien comprise. Annahum yaqulun, est-ce que vous mettez au même rang Al-Anbiya, les prophètes, les impieux, avec les statues ? Qala fajawibhu bima taqaddam, fa innahu idha aqarra anna al-kuffar yashhaduna bil-rububiyya kulliha lillah, wa annahum ma aradu mimman qassadu illa al-shafa'a, walakin أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. Donc la réponse elle est très simple, وهذا تقدم معنا في القواعد الأربع. المؤلف رحمه الله إلى une رسالة très très profitable et elle est très courte. Quatre règles fi tawhid, et parmi ces règles il a cité ce point. Anna haula alladhina kaffarahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les a combattus, limadha li'annahum, ils n'ont pas accepté l'islam. Minhum, certains d'entre eux ils adoraient des statues. Certains ils adoraient des anges, malaika, d'autres ils adoraient Isa, d'autres ils adoraient des hommes pieux. Qaddam ma'ana Allah par exemple. Wa hakada. Fa pourquoi penser anna Kuffar Quraysh, ils adoraient que des statues. Thumma, restreindre le shirk qu'aux statues. Et penser que celui qui demande à un nabi ou un homme pieux, il lui demande shafa'a, c'est pas du shirk. Dans ce point, ils se sont égarés. Et on a des versets min al-Qur'an al-Karim qui prouvent cela. Isma, qala, azza wa jal, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab. Ça montre anna Haoula, ils ont adoré Haoula qui eux-mêmes veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que les statues elles se rapprochent d'Allah azza wa jalla? Ça montre anna ba'dahum, ils ont adoré des salihoun, des anbiya. Le verset de Isa, il est awdah. Qala wa yad'una Isa ibn Maryam wa ummah. Waqad qala Allah ta'ala mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. هذا سمط أن بعض الناس يزون أدوغ عيسى بن مريم. Est-ce qu'on va faire une différence entre les chrétiens qui adorent Isa et Kuffar Quraysh مثلا, une partie d'entre eux qui adorent des statues? Est-ce qu'on va dire donc les chrétiens c'est pas des Kuffar? لماذا؟ لأن ils adorent un prophète et le prophète là chaque c'est pas comme la statue. Est-ce que quelqu'un dit هذا من العقلاء فضلا un mu'min qui connaît son din? Et هنا تنبيه مهم أن لا شك أن il y a une différence entre un nabi et une statue. لا شك هذا. Il y a une différence من حيث الفضل أن هذا النبي سان ولي من أولياء الله الله الله ما الله il l'a envoyé avec un message إلى آخره. Et cette statue c'est من الجمادات. Elle peut être faite en pierre ou en bois. Donc c'est min al-jamada, tu ne peux pas comparer à un nabi. Lakin, est-ce que cette différence, elle nous permet d'adorer ce nabi? Abedan. Limada, li'anna ce nabi, même s'il a un rang élevé indallah, ça reste une créature. Et est-ce qu'on a le droit d'adorer une créature? Abedan. Est-ce qu'on a le droit d'accomplir une ibada comme le fait de l'invoquer ad-du'a à une créature? Abedan. Ad-du'a huwa l'ibada. Et c'est un haqq lillah azza wa jal wahdahu la sharika la. Wadhkur lahu qawlahu ta'ala wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jinn aktharuhum bihim mu'minun. Ce verset il est clair, anna ba'd an-nas ils ont adoré et ils adorent le malaïka. قال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا. Aïe, Allah le jour il va ressusciter tout le monde. ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Est-ce que vous adoriez من دون الله عز وجل des anges? Ça montre que بعض الناس ils ont adoré des anges. Est-ce qu'il y a une différence entre celui qui adore un ange et celui qui adore une statue? Là, le fil, c'est le même. Les anahada, il adore une créature, et hada, il adore une créature. Hada, il fait du shirk, hada, il fait du shirk. Ma'anna al-malaika, bien sûr. Anahum, c'est des salihoun. c'est des, ils font partie de Awliya Allah, Allah il les aime, Azza wa Jal, mais on n'a pas le droit de les adorer. Limada, li'anna al-ibada, c'est un haq lillah wahda. Et ça, c'est une règle taqaddamat ma'ana. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Hum, ils ont pensé que, et ça va venir beaucoup, inshallah ma'ana, dans cette risala, dans la fin, ils ont pensé, anna al-ibada, c'est quoi? C'est se prosterner devant une statue, faqat. Et hum, ils vont te dire, nahnu, on se prosterne pas devant une statue. Maintenant, ce dua qu'ils font, qui demandent au wali, à cette demande de shafa'a, pour eux, c'est pas min al-ibada. Limada, li'annahum, ils n'ont pas compris leur din. Ils n'ont pas compris c'est quoi l'ibada. Et ils n'ont pas compris que cette ibada, c'est que pour Allah. Falihada ashraku, wa anharafu a'yadar billah. Qala wa qawluhu, subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa umya ilahayni min dunillah. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته قد فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فتأمل هذه الآية وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Ce verset est clair que بعض الناس مثلا النصارى les chrétiens ils ont pris, ils ont adoré, ils ont pris Isa alayhi salatu salam et sa mère comme divinité. Ils les ont adorés min dounillahi azza wa jal. Est-ce que on va dire, vu que c'est un avis, et Maryam alayhi salam c'est une saliha, une salihat, est-ce qu'on va dire que vu qu'ils n'ont pas adoré une statue, c'est pas grave? Aïtham billah. La ahad yaqul bihada illa ha'ula as-sufaha. Limada li'annahum ils se sont écartés du din et ils se sont basés sur des khurafats, sur des légendes, sur les rêves. Kadhalik, qu'ils ont suivi aveuglément ceux qui étaient avant eux. Et leur argument, kama tara wa kama tasma, il repose sur rien. Anzur ala jawab. Vu que la réponse de la première shubha, elle était très très convaincante, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nahnu, on n'adore pas une statue. À qui ils vont nous reprocher hada? Est-ce que واحد من اهل السنه il leur a dit non, vous adorez une statue en pierre ou en bois? Là, vous adorez des anbiya, vous adorez des salihin, et adorer un nabi ou un salih ou un ange ou un mort ou un vivant, c'est haram. لماذا لان l'adoration c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. فقل له عرفت ان الله كفر من قصد الاصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Après avoir cité هذه الأدلة, il a conclu رحمه الله أن الله عز وجل كفر, ceux qui ont adoré des statues c'est des kuffar عند الله عز وجل, كذلك ceux qui adorent الصالحين, que ce soit des prophètes, que ce soit des hommes pieux, que ce soit des anges, que ce soit Isa ibn Maryam, que ce soit sa mère, n'importe quelle créature, كذلك qui sort de l'islam, yadam billah. لماذا لانه اشرك بالله. Et c'est ça le shirk. Le shirk c'est adorer autre qu'Allah azza wa jalla. Ou adorer Allah et adorer un autre min al makhluqat. Que ce makhluq soit min al salihin ou min al mufsidin. لماذا لان l'adoration c'est que pour Allah. La haqiqa, la réponse de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, elle est clair, et نقرأ كلام شيخ الفوزان حفظه الله pour éclaircir أكثر. قال حفظه الله. On revient au شرح. الشبهة الثانية. إذا قرأت عليه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc ces deux versets reviennent souvent, et c'est une base pour répondre à Ha'ula al-Mushrikin. قال شيخ البوزان وبينت له أن المشركين ما أرادوا ممن عبدوهم إلا الشفاعة وقال لك هذه الآية نزلت في الذين يعبدون الأصنام وأنا لست أعبد الأصنام وإنما أتوسل إليه بالصالحين فكيف تجعل الصالحين أصناما. Donc شيخ البوزان il a récapitulé, a résumé ما تقدم. قال والجواب عن هذا واضح جدا. Donc leur shubha, on la répète, anahum yaqulun, ces versets que vous avez cités qui sur la mise en garde de shirk ila akhir, ça concerne ceux qui adorent les statues en bois, en pierre. أما يقولون أما هم فإذ دمت à cet impieux, à ce prophète, à ce savant, il a akhiré, il lui demande l'intercession pour se rapprocher d'Allah. Fa'indahum, c'est différent. C'est pour ça que pour eux, ils ne sont pas concernés par le hukm, par le jugement qui est cité dans les deux versets. Annahum, c'est des kuffars et annahum, c'est des mushrikoun. Pour eux, ils ne sont pas concernés. Qala Cheikh Al-Fawzan, al-jawab an hadha wadihun jiddan. وهو أن الله ذكر أن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين وسوى الله بينهم في الحكم ولم يفرق بينهم. dans les textes من القرآن ومن السنة il y a aucune différence entre les deux. قوله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. Est-ce que quelqu'un peut expliquer أحداً avec l'aslam, ça contredit la langue arabe et ça contredit le Coran lui-même. Et ça contredit Sunnah et ça contredit la voix des salafs. Et ça contredit la voix de tous les musulmans. لِأَنَّ قَوْلَهُ أَحَدًا ça englobe tout le monde. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا n'invoquez personne avec Allah. Qu'est-ce qu'ils ont dit, homme? C'est que les statues, t'invoques pas les statues. أَمَّا un homme pieux pour demander l'intercession, tu as le droit. D'où ils ont emmené cette exception? قوله عز وجل وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا, ça englobe tout le monde, toutes les créatures. Adore Allah seul et n'adore personne avec lui. Personne, ils l'ont expliqué, personne sauf les hommes pieux, sauf les salih. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Il y a un واحد avec cette tariqa. Et c'est pour ça que tu trouves عند الصوفية وعند الروافض زنادقة كثر. Tu trouves beaucoup d'hypocrites عندهم عند الرؤوس et des gens qui combattent l'islam et qui jouent avec l'islam. لأن avec هذه الطريقة et cette طريقة الباطنية أنهم ils expliquent le Coran comme ils veulent. Allah il a interdit le khamr. واحد va venir on va dire sauf cette catégorie. من أين? On n'a pas le droit هذا. On n'a pas le droit. Les preuve du Coran et de la Sunna, on n'a pas le droit de les spécifier, de les expliquer avec autre qu'un délire. Ou il a واحد demain, il va venir, il va dire As-salat, c'est obligatoire pour tout le monde sauf pour moi. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi, à ton avis, Ba'd al-Rous et Soufia, ils font plus salat? Limada, li'anna, ils sont plus concernés par l'ibada, ayyadun billah. Allah Azza wa Jal qala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Hum, ils ont dit sauf nous. Tu trouves Ba'd al-Mashayikh al-Soufia, al-Zanadiqa. Ah, ils ne sont pas des musulmans. Ils ne font pas le salat. Ils ne font plus le hajj. Ils ne font pas le siyam. Et ils font jamais le fawahish. Min zina, waliwat, wa shorb al khumur, ila akhri. Pourquoi? Les noms, ils ne sont plus concernés. Ils expliquent le Coran, iyadan billah, avec le hawa. Et en s'aidant de Iblis, le shaytan, iyadan billah. Amma, nous, on a des versets clairs, on reste sur ces versets. Et on ferme la porte. On explique ces versets qu'avec un autre verset ou des hadiths du prophète sallam ou des athars de salaf, de compagnons du prophète alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum. Qala Cheikh Al-Fawzan hafidahullah wa sawwallahu baynahum fil hukm wa lam yufarriq baynahum wa anta farraqta baynahum fi dhannik anna ibadata al-asnam la tajuz wa anna ibadata al-salihin tajuz idha kanat biqasd at-tawassut. Donc, là, ils ont différencié. Ils ont dit, les versets sont valables pour celui qui adore des statues, c'est un kafir, il sort de l'islam, c'est un mouchrik. Celui qui demande à un homme pieux, à des prophètes, il a akhiré, il ne rentre pas dans le verset. Iyadan billah. قال والدليل على هذا أن الله ذكر أنواعا من المشركين فمنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الملائكة والملائكة من أصلح الصالحين. نعم, الملائكة c'est من أصلح الصالحين, ils font partie de الأولياء. Allah il les aime. Bel, ça y est, il a dit là, ils ne font pas de péché. Mais on n'a pas le droit de les adorer. Qala, Havidahullah, Qala Allah Ta'ala, wa yawma yahshuruhum jami'an. Thumma yaqulu lil malaikati, aha'ulai iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanak, anta waliyuna min dunihim, bel kanu ya'budun al jinn, aktharuhum bihim mu'minun. Ça, ça montre anna ba'dahum, ils adorent le malaika. Et yom al-qiyama, les anges ils se désavoueront de haoula qui les ont adorés. Subhanak anta waliyuna. Hey, al-malaika, ils n'ont jamais ordonné à quelqu'un de les adorer. Abadan. وهكذا لي بروفيت ils ont jamais appelé عيادا بالله quelqu'un de les adorer ابدا لكن c'est les gens qui les ont pris عيادا بالله et qui les adorent. قال في يوم القيامة الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى لكن لأجل إبطال حجة هؤلاء أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدمندرا أوزون يا الله يسيتو لكن pour montrer à هؤلاء أنهم ils étaient على باطل et pour leur montrer que الملائكة ils se désavouent de يوم القيامة. انظر المشرك il est égaré في الدنيا et يوم القيامة il perdra tout. هؤلاء qui demandent الشفاعة à des prophètes ou des anges et ils essayent de se rapprocher de ces créatures pour qu'ils les rapprochent d'Allah عز وجل يوم القيامة الملائكة والصالحون والأنبياء ils se désavoueront de هؤلاء. Ils vont tout perdre. Au lieu de faire des efforts, demander à Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Et في الدنيا ils seront guidés بإذن الله عز وجل. Et يوم القيامة ils trouveront leur حسنات. Et كذلك ils feront partie de ceux qui recevront الشفاعة, cette شفاعة qu'ils espèrent. لكن ils ont pris عيادا بالله la mauvaise voie. قال فدل على أن منهم من يعبد الملائكة لكن الملائكة تتبرى منهم يوم القيامة وتقول نحن ما أمرناهم بذلك ولا رضينا بذلك سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين هي التي أمرتهم بعبادة الملائكة لأن الملائكة لا تأمر إلا بعبادة الله. نعم إذا الشياطين أطاعوا الشياطين إذا طعسن عبادة فلهذا في الحقيقة إذا أدوري الشياطين سي الشياطين كي لغون دي دادوري لزنج وإلا فليز أنج أبدا ils ont appelé à se faire adorer من دون الله وهكذا جميع الصالحون. قال الشيخ الفوزان إلى السيتي لقرض الله عز وجل ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نعم celui qui appelle عيادا بالله à se faire adorer من دون الله هذا لا شك سان طاغوت سان كافر. فدل على أن منهم من يعبد الملائكة والملائكة أصلح الصالحين كما قال تعالى فيهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا حال الملائكة. الملائكة من أصلح الصالحين إذا الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. مع هذا لا نقل الغد لغدمون مع هذا لا نقل الغد لزادوغي. فلهذا le verset est descendu que sur les statues. On a des versets en Wardanes, ils adorent des anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Fawahahum. Faliman a spécifié que les statues, c'est pas tel, c'est du mensonge. Qala, wa minhum man ya'budu al-anbiya wa al-salihin kal-masih ibn Maryam wa ummah. Wa ummah. Hada taqaddam ma'ana le verset dans le matn. Et la shak en. عيسى بن مريم سي نبي سي رسول من أولي العزم اي في partie des أولياء. مع هذا كذلك عيسى va se désavouer de ceux qui l'ont adoré. Ça montre que certains l'ont adoré et qui عيادا بالله كفر. Donc est-ce que spécifier الشرك pour les statues on a un délit من القرآن لا. هؤلاء في الحقيقة كذابون كثير منهم c'est des menteurs. Ils savent très bien, كثير منهم, خاصة leur guide, إلى آخره, ils savent très bien. لكن c'est pour égarer les gens. لماذا؟ لأن, n'oubliez pas, أن هذا الشرك, ça génère des millions. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Et les victimes, في الحقيقة, c'est l'awam. لأن le fait d'autoriser les awam à voyager pour rendre visite à Wali, un tel Sidi Foulan, et demander shafa'a en général ce ami il va emmener des choses de l'argent robama il va sacrifier une belle robama il va donner de l'argent il va poser de l'argent vers le qabr pour que sa shafa'a soit acceptée toutes ces khurafat et ar-ru'us les guides que ce soit soufia ou rawafid ils savent très bien ça ils savent très bien et ils savent très bien que s'ils acceptent que le shirk c'est interdit tout ça ça va s'arrêter et ils bénéficieront plus de hadhihi al-amwal. هذا سي دي كذاب لكن ils ont perdu leur dîn pour la dunya. C'est pour ça que c'est une fitna et c'est pour ça que كثير من الناس les ont suivis et il y a des grosses sommes en jeu خاصة dans les mausolées, il y a des sanadiq, il y a des caisses pour mettre de l'argent, il a akhiré. Et tu trouves haoula, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont perdu leur vie. فَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْحَيَاةِ. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec هذا المال? Qu'est-ce qu'ils vont dire يوم القيامة? Quand les anges, les anbiya, salihoun, et jami' al-mu'minin, ils se désavoueront d'eux. Et ils se retrouveront avec al-mushrikoun, al-yahoud wa al-nasara, yadam billah. Qu'est-ce que ça va leur faire? لكن هكذا et ça nous montre أن من أسباب الوقوع في الشرك c'est فتنة الدنيا. Ça nous montre que la dunya c'est très très grave, ça peut pousser la personne yadam billah à sortir de l'islam. Fa hada al-insan yahzar, et il se contente de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, même si c'est qalil, et il préserve son din. Qala wa idha batala at-tawassul bil mala'ikati wal anbiya'i wa du'a'uhum min dunillah. بطل التوسل بغيره من الصالحين ودعاؤهم من دون الله كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص. سنمتخ أن هذا الدين الخالص on doit adorer que Allah سبحانه وتعالى. Allah il a pas d'associé, لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في أسمائه وصفاته. Allah il a pas d'associé. Allah سبحانه وتعالى il a pas besoin d'un associé pour cette demande. لأن الله عز وجل il a ordonné à chacun de nous de lui demander. فلماذا passer par un autre? قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لأن الواجب إخلاص العبادة لله عز وجل بجميع أنواعها من الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. الحقيقة هذا لو غسد tous les jours في الفاتحة. هؤلاء غسد الفاتحة. كثير منهم يفون الصلاة. قال عز وجل إياك نعبد. لفت كما يقول المفسرون لفت كضمير النصب إياك. Il est cité avant le fi'l en langue arabe, une fa'ida azima, ça s'appelle al-hasr. Al-ibada, elle est que pour Allah. Léan Allah Azza wa Jal قال, Iyaka na'bud, on adore que toi, ya Allah. Fa tous les jours, il récite ce verset, thumma yaqulu lak, lakin le wali, c'est pas comme une statue. Fa limana taqul Iyaka na'bud. Fa fil haqiqa, awla, ils adorent pas que Allah, ils adorent Allah, ils adorent al-awliya. Et c'est ça le shirk. Qala. فمن ذبح لغير الله ودعا غير الله كان مشركا خارجا من الدين. On peut résumer deux points importants ici. في العبادة. أن العبادة حق لله عز وجل وحده. On n'a pas le droit d'adorer des statues. On n'a pas le droit d'adorer des pierres, des arbres. كذلك on n'a pas le droit d'adorer un prophète ou un ange ou un homme pieux ou une femme pieuse ou un vivant ou un mort. Ça c'est la première règle. قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Adorez Allah et n'adorez personne avec Allah سبحانه. Deuxième règle, on n'a pas le droit d'accomplir une ibada pour autre qu'Allah, que ce soit le salat, que ce soit le hajj, que ce soit le dua, que ce soit le dhabh, que ce soit le nadr, ila akhir. يعني البعض disent انا j'ai pas fait sujoud. Ils pensent que le shirk c'est que le sujoud. Lakin ils demandent aux morts. As-sujoud c'est une ibada, celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, la shak qu'il a fait du shirk, qui sort de l'islam. Et celui qui invoque, qui demande à autre qu'Allah dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut lui donner, مثلا الشفاعه, c'est du shirk billahi azza wa jalla. Ceux qui demandent aux morts, est-ce qu'un mort il peut donner shafa'a? Est-ce qu'il peut intercéder? Abadan, sauf si Allah il veut. Fa fil haqiqa, il a demandé une chose qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut lui répondre. Vous avez remarqué, donc on a deux cas. Ils différencient entre l'adorer. Maintenant ils disent la statue, c'est pas comme un prophète. Ça c'est bâtel. Tout ce qui est adoré min dounillah, on n'a pas le droit. Deuxième chose, ils pensent que l'adoration c'est que sujoud. Ou c'est que telle chose. Elle m'a demandé l'intercession, pour eux c'est pas une adoration. Alors que demander l'intercession, c'est comme celui qui demande la guérison. Est-ce qu'on a le droit de demander la guérison à un mort? Ah ben, le mort il ne peut pas te guérir. Bah, hakada l'intercession, il ne peut pas te la donner. Donc ces deux points ils sont très très importants et on les a détaillés ensemble. Walillahilhamd. في القواعد الأربع وهكذا في الأصول الثلاث في الواجبات ولله الحمد dans plusieurs دروس في التوحيد on avait détaillé هذا et bien sûr في كتاب التوحيد عايزي هذه الشبهة et on passe à notre درس suivant et on étudie la شبهة suivante نكتفي بهذا القدر et on passe à notre deuxième درس